Katindika Kangombakte. La référence, elle m'a belé mon côté. Tonton, et Angate, et Yokaka, sont pas vos pangates, Pati Mobaye. Toko Benga Basseur, où il y a première en qualité. Depuis la nuit des temps, installé masqué, boy. Moi, na oyo kamela lolaka andame. Kowela wela la vie, izali ya wili. Deko otika kaka mekali wana mpongi. L'éternel est mon berger, salade tinga. Dere dere tanzingi na manzingi. Toko ma kote la toye pama na kebo. Président Bemba Saolo. Kabaka maman na malinga te. Ma belle Eliwa, il a pieds à l'inch. chaque rumba quand tu ambongo isani na ngosho mokeye kasi zara mayele yoko kima yote presque rien sur presque tout yangani panakinganga na delgado yayo nangia lokola elamba na mbuso wa moto Mokili anzambe zali na mbolo note Mata ya moko akompita la vina ye Mota saki ya zali ya koluka aswa mbongo Saki ya jumbongo akomoruka bolingo Toputa ka bolingo evandi na mbosu Topaza ka kaneki ya mbona molali Saki ya tele mili viso oyo suka kito pare Tokome la kayambo atana ni mekate Didana Marie Cécile, Kaonko il a mette mon ami. Et Débola, je suis des mythos. Aïe, comme mon sapien, les innocents, ma soumou qui les a fait réaliser. Ton ami Satouna, Katia, ma soie, c'est mon corps. Nania, c'est la bacalité, paye à Zanga Depo. Damona, Kede, ou Nania, Beta, Kide. Pour ton mon côté, à l'oukraie, ba mon Kelina. Wake up, you're not gonna be a